On devait faire l'entrevue hier. Ben, finalement, l'entrevue était faite, mais pour des problèmes techniques, on n'a pas été capable de la diffuser. Mais là, on va se reprendre. On va parler du tournoi Atom Pee-Wee qui s'est terminé en fin de semaine. On a parlé avec David Lamontagne. Salut, David. Salut. David, si on parlait de cette 42e édition, est-ce que c'était un grand succès? Oui, c'était un succès sur toute la ligne. On a eu du monde en masse, on a eu des participants qui sont venus encourager les jeunes. Toutes les finales, c'était pas mal toutes les bonnes finales serrées. Je pense que c'est une réussite. Est-ce que du côté des assistants, est-ce que c'est comparable aux autres années? Oui, ça se ressemble pas mal à chaque année pour les assistants. C'est certain que dimanche, quand il y a des équipes locales en finale, c'est certain qu'il y a plus de monde des estrades. Mais comme cette année, il y avait juste une équipe en finale, c'est sûr que dimanche, c'était un petit peu moins chalandé peut-être que les autres années. Mais on a eu quand même, ça se ressemble pas mal les dernières années. OK. Si on parlait maintenant des finales, comment ça s'est passé? Pour ce qui est de la tombe B, les labels sur Quévillon ont emporté sur les sénateurs de Saint-Félicien. OK. Notre catégorie, pour les équipes locales, cette catégorie-là, les loups de Groupe-Sosky sont quand même rendus en finale, demi-finale. Pour la tombe A, les grands champions, les Castors de Dolbeau, ont gagné en fusillade. C'était le match de la fin de semaine, je pense. Le match du dimanche après-midi, c'est pas mal là que l'aréna était le plus plein. L'aréna du Stassini, il y avait une ambiance, c'était vraiment le match de la fin de semaine. Dans la catégorie Atom 2C, les Sables de Robert-Val ont emporté sur les Edlons d'Allemont. OK. Ensuite, dans le Pee-Wee B, les Cerbères d'Allemont ont emporté sur les Chevaliers de Val-Bélair. Mm-hmm. Ensuite, dans le Pee-Wee A, les Bulldogs de Saint-Félicien ont emporté contre les Chevaliers de Val-Bélair. Ensuite, dans le Pee-Wee 2C, les Dynamos de Chicoutimi ont gagné 2-1 contre les Anneaux d'Allemagne en finale. Okay, okay. Pour les équipes locales, dans la tombe 2C, les Rapides sont rendus en demi-finale. C'est quand même très bon. Dans le Pee-Wee B, les Castors sont rendus en demi-finale aussi. Pee-Wee A, les Rapides en demi-finale. C'était quand même un bon tournoi pour toutes les équipes locales aussi. OK, OK. Donc, Jeannick Saint-Pierre, il faut saluer également Jeannick Saint-Pierre qui a fait un excellent travail comme président d'honneur. Oui, un gros merci encore à Jeannick qui a été très, très, très apprécié du comité. Je remercie aussi toutes les autres commanditaires. Ouais, on va profiter de quelques. En tout, on avait 45, donc c'est pas rien non plus. Le comité organisateur, les bénévoles, les équipes, toutes les équipes qui sont venues chez nous. Si on n'a pas d'équipe, on n'a pas de tournoi. Puis toute la population qui sont venues encourager les jeunes. Je pense que je remercie pas mal tout le monde. OK, OK. Ben, David, un gros merci. On s'en reparle, on s'en reparle l'année prochaine sûrement. Parfait. Voilà, David Lamontagne, le président du tournoi Atom Pee-Wee, 42e édition.